cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fa inna al-munafiqin yaqulunaha wa hum tahta al-kuffar wa fi ad-dark al-asfali min an-nar. On est toujours fi dhikr hal ha'ula alladhina yaqulun la ilaha illallah et n'ont pas de inaya bi al-ilm wa bil amal. Et Cheikh al-Islam, il a démontré clairement dans cette risala, dans cette réponse, rahmatullah alayh, anna le fait de la prononcer, ce n'est pas suffisant. Fa inna al-munafiqin yaqulunaha. Les hypocrites, ils ont dit la ilaha illallah. Et ma'a hada, Allah subhanahu wa ta'ala qal, inna al-munafiqin fi ad-dark al-asfali min an-nar. Ils seront au plus bas fond de l'enfer. Enfin, ça montre que ça serait suffisant. Enfin, ça aurait été utile pour eux, les hypocrites. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. المنافقون أي النفاق الاعتقادي. وبعض العلماء يقولون النفاق الأكبر. أي ça c'est la grande hypocrisie. يُبْطِنُونَ أَوْ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامِ ils font apparaître l'islam وَيُبْطِنُونَ الْكُفْرِ et dans leur cœur il y a de la mécréance, ils ne croient pas, ils détestent l'islam, ils détestent le prophète عليه الصلاة والسلام, ils ne croient pas au Coran لكن ils font apparaître l'islam. قال لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على الصناديد قريش. Quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait l'hijra. ثم la première bataille de Badr a eu lieu. ففي هذا الوقت انتصر الإسلام انتصارا عظيما. الله سبحانه وتعالى il a élevé هؤلاء avec cette hijra et avec ce jihad. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على الصناديد قريش. وقريش كانت تاج العرب وكان الناس ينظرون إليها. Surtout que le prophète صلى الله عليه وسلم à Badr, il a eu le dessus بإذن الله عز وجل sur le dessus sur cette tribu قريش. بل صناديد قريش أي رؤساء قريش رؤوس قريش أبو جهل et autres. Ils ont été tués dans cette bataille et vu que قريش c'était une tribu qui était très respecté fil jazira wa kana an-nas yanduruna ilayha, ils avaient de al-hayba, beaucoup de tribus les craignaient, etc. Enfin, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a réussi à aller battre fi Badr, hada la shak anna ça a donné encore plus de poids à la da'wa du prophète alayhi salatu wasalam. Qala falamma intasara alayha sallallahu alayhi wa sallam fi Badr wa qatala ru'usaha 'inda dhalik qala al-munafiqun nahnu waqa'na في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومعهم الرسول وماذا نعمل؟ لجأوا إلى حيلة وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظوا على دمائهم وأموالهم. C'est pour ça que النفاق ظهر في المدينة. ما ظهر في مكة؟ L'époque mecquoise avant l'hijra, il n'y avait pas d'hypocrite à Mecca. Pourquoi? لأن الكفار ils n'étaient pas en situation de faiblesse. Bel al muslimoun ils ont dû quitter Mecca. Ils ne pouvaient plus mettre en application, ils ont fait le hijra. Donc an-nifaq ma dhahar. An-nifaq dhahara fi al-Madina. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة على التوحيد والقرآن. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a commencé le jihad et très rapidement il a eu le dessus. فالكفار qui habitaient al-Madina ils avaient imma le choix de rentrer fi dinillah sincèrement, imma de combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, imma de quitter le Médina. Il n'avait pas le courage de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas كذلك, l'envie de quitter le Médina, c'était leur terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la troisième solution, ils ont fait apparaître l'islam pour que personne ne les combatte, personne ne les chasse. Et à l'intérieur, ils n'ont pas cru. C'est ça, un nifaq, ayyadan billah, ay al-akbar. قال ويحافظ على دمائهم وأموالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر، لا يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف الظاهرة. Et ça, c'est une règle importante. نعامل الناس par rapport au ظاهر, par rapport à l'apparence. Celui qui fait apparaître l'islam, c'est un musulman. Il prononce الشهادتين, il fait الصلاة, il fait الصيام, il fait الحج, etc. C'est un musulman. C'est notre frère. له ما لنا وعليه ما علينا. Il a les mêmes حقوق, il a les mêmes devoirs que nous, etc. وهكذا, celui qui fait apparaître le sunnah, et il met en application sunnah, il aime les savants de la sunnah, il a akhiré sa sunni. S'il cache autre chose, bainahu wa bainallah. Hada c'est tayyib. Anana, on n'a pas besoin de at-takalluf. Ba'dhum, ils essayent de trouver, mais peut-être, mais ils pensent, mais là, ala Allah, il fait apparaître l'islam, c'est un musulman, il fait apparaître sunnah, c'est un sunni. Il fait apparaître le kufr, il se dit kafir, c'est un kafir. Matalan, le kufar, ils combattent l'islam et ils montrent que c'est des kufars, on va pas dire. Mais peut-être là, c'est un kafir. Lui-même, il dit que c'est un kafir. Enfin, c'est un kafir, billah. Azza wa jal. Hakada, on laisse les gens à l'al-zahir. C'est la meilleure solution. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est comporté avec les hypocrites à l'al-zahir. Ils ont fait apparaître que c'était des musulmans. Il s'est comporté avec eux comme des musulmans. Et personne ne connaît ce qu'il y a dans les cœurs sauf Allah. Ash-shaqaqta an qalbih. Quand Usama radiallahu anhu, dans une ghazwa, dans une bataille, il a été en face, directement face à face avec un mushrik. Et quand Usama radiallahu anhu, il a eu le dessus, ce mushrik, aslam, il a dit ashhadu an la ilaha illallah. Usama radiallahu anhu, ijtahad, c'est un sahabi jalil. Il a pensé que ce mushrik, il s'est converti à l'islam, il a eu peur. Il voulait pas se convertir. Quand il a vu Usama le dessus, il a prononcé shahada. Enfin, Usama, il l'a tué. Radiyallahu anhu. Quand ils ont informé al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Il a dit, ya Usama, aqateltahu, ba'da an qal la ilaha illallah. Tu l'as tué alors qu'il a prononcé, il a dit la ilaha illallah. Après, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, ashaqaqta an qalbih. Quand il a su, le Nabi sallam, il a directement compris pourquoi il l'a tué, parce qu'il a eu le dessus et il a pensé qu'il faisait exprès. Il a fait apparaître l'islam nifaqan. C'est de l'hypocrisie, hein, de faire apparaître l'islam alors qu'on ne croit pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, ashaqaqta an qalbih. Est-ce que tu as ouvert sa poitrine, tu as ouvert son cœur pour voir s'il est sincère, amla? Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on prend avec l'apparence. Ihdharu. De ne pas essayer de rentrer dans ce qu'il y a dans le cœur. Awalan, on ne peut pas, ça vient que de shaitan. Et ça contredit la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Nahnu lana al-zahir. Et vous connaissez, ou la plupart, ou beaucoup d'entre vous, ils connaissent la parole d'Omar, radiyallahu anhu. Annahu qala, quand al-wahi, il descendait, Allah subhanahu wa ta'ala fadaha kathir min al-nas, avec al-wahi. Khazatan fi surat al-tawbah, fadaha kathir min al-munafiqin. Anna certains ils disent, il a akhiri. Omar, il a dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam il est mort et la révélation elle s'est arrêtée, Omar radiallahu anhu قال لنا الظاهر. Il n'y a plus de révélation. Il ne reste plus que l'apparence. Celui qui montre du bien, il aura du bien. Celui qui montre du mal, il aura du mal. فهكذا on doit se comporter. قال وقالوا لا إله إلا الله أي المنافقون والشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ظاهرا كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ils ont délaissé une condition essentielle pour que la ilaha illallah, ce témoignage soit valide. As-sidq, la véracité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a témoigné qu'ils ont menti. Fait, ils ont dit la ilaha illallah, wa hum kadhibun. C'est d'aucune utilité. Fait, les hadas, ces conditions, shurut la ilaha illallah, les conditions, elles sont très très importantes. Qawluhu ittakhadu aymanahum junna. Aymanahum, al-ayman, c'est al-halif. C'est le fait de jurer. اتخذوا أيمانهم جنة قال ابن كثير رحمه الله تعالى dans son tafsir, on peut citer une faïda par rapport à cette partie du verset. قال أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما يقولون. أي les hypocrites, ils étaient connus pour beaucoup jurer. لماذا اتخذوا أيمانهم جنة. أي جنة سيأتي معنا قول الفوزان يعني سترة يستترون بها. أي ils juraient beaucoup pour se protéger. C'était une protection pour faire croire aux autres qu'ils c'était des croyants. Ça nous montre que le mu'min n'a pas besoin de beaucoup jurer. Là, أحيانًا il faut jurer. البيّن على المدعي واليمين على من أنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانًا il faut jurer. Mais dans certains cas, t'as pas besoin de jurer. T'es véridique. Alhamdulillah. Encore plus par rapport à ta foi. Pourquoi? Parce que c'est pour Allah. Mais vu que le munafiqoun, cette foi qu'ils ont fait apparaître, plutôt ce islam qu'ils ont fait apparaître, ils ont témoigné, ils ont fait salat, ils ont fait al-jihad avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu que ce n'était pas pour Allah, ils avaient besoin de se justifier et ils juraient beaucoup. Mais le mu'min, il n'a pas besoin de se justifier pour sa foi. Ta foi, c'est pour qui? C'est pour Allah. Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui accepte pas, qui t'accuse, si t'es croyant, il se fait que du mal. قال شيخ الفوزان جنة يعني سترة يستترون بها. فالمنافقون دخلوا في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين. فساسان ومطر أن إذا قوي الإسلام في مكان ما, si الإسلام il est قوي dans un endroit, en général يظهر النفاق. Pourquoi? لأن بعض الناس n'acceptent pas l'islam, لكن ils ne peuvent pas montrer qu'ils s'opposent, enfin, ils font croire que c'est des musulmans. قال نعم قال وبقوا على الكفر باطنا والعياذ بالله ولذلك جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين عبدة الأوثان تحت الملاحدة لعظيم جرمهم وخداعهم ومكرهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهؤلاء, pourquoi Allah سبحانه وتعالى il les placera au plus bas fond de l'enfer. Ils feront partie de ceux qui auront le plus grand châtiment. لماذا؟ لأنهم خدعون ماكرون. Ils rusent, ils mentent, ils trompent. مع كفرهم, c'est des kuffars comme tous les kuffars. مع هذا, ils ont ajouté la tromperie et le mensonge. C'est pour cela qu'ils auront le plus grand châtiment, عياذا بالله. قال فالمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار فكيف تقولون إن لا إله إلا الله يكفي مجرد التلفظ بها وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله فدل أن مجرد النطق بها لا يكفي إلا باعتقاد القلب وعمل الجوارح. هذا سي واضح. Donc si ça n'a pas été utile, profitable pour les hypocrites le fait qu'ils ont témoigné avec leur langue, enfin, ça nous montre que témoigner avec la langue, c'est pas suffisant. La bout min shay'in akhar. I'tiqad bil qalb, une croyance dans le cœur. Et c'est les conditions de la ilaha illallah. Et كذلك une mise en pratique. Amma mathalan celui qui adore autre qu'Allah, la shak annahu il contredit sa shahada. Qala Cheikh Al-Fawzan. On a fini la parole Cheikh Al-Fawzan. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع كونهم يصلون ويصدقون أو يتصدقون نعم مع كونهم يصلون ويتصدقون أي المنافقون. Donc ils ont prononcé la shahada et ils faisaient la salate et ils donnaient des sadaqat. مع هذا ils seront plus bas fond de l'enfer. قال الشيخ الفوزان المنافقون يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولكنهم منافقون في قلوبهم وهم يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم. Ça nous montre l'importance de l'ikhlas. Et ça nous montre أن الناقد من نواقد الإسلام سأنل toutes les œuvres. فهؤلاء le jihad qu'ils ont fait avec النبي عليه الصلاة والسلام, la salat qu'ils ont fait derrière le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, tout ça, c'est d'aucune utilité. Ça nous montre le fait de côtoyer un tel ou vivre dans tel pays, vivre à Medina, une des meilleures terres. Tout ça, c'est d'aucune utilité sans sincérité. Tu peux vivre bien après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un endroit très loin de Medina et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Donc, ce n'est pas de côtoyer un tel ou vivre dans tel endroit. قبل ذلك الاسنسيال سي الاخلاص. اوتر شوز انظروا هؤلاء الخذلان والخسران كيزون تامل انهم ils ont fait le jihad, ils ont fait salat, tout ça avec le prophète عليه الصلاه والسلام, الصدقات etc. Combien de خير en apparence ils ont fait, ils avaient plus qu'à changer un niya. Ils auraient changé un niya, sincèrement, ça serait devenu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs hommes après les prophètes. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Amma, ils ont connu la souffrance du jihad, même si al-munafiq, c'est les personnes les moins courageuses, ils sont toujours derrière, ils essayent de fuir, et la akhiré. Lakin, ils ont fait certains sacrifices physiques, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas guidés. فلهذا demande دائما الله سبحانه وتعالى الإخلاص والتوفيق. c'est pas l'endroit, c'est pas les fréquentations qui feront que tu seras guidé. Certaines choses, ça peut être une cause. لكن أصل الهداية من الله. فدمد الله سبحانه وتعالى qu'il te guide. Et on demande à الله سبحانه وتعالى qu'il nous guide. قال رحمه الله revient au matin. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعادته. هذا الكلام il est très très important. On a compris que le fait de la prononcer c'était pas suffisant. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour que cette shahada soit profitable? قال والمراد قولها, bien sûr il faut la prononcer. Celui qui a la capacité, c'est obligatoire. مع معرفتها بالقلب, كذلك il faut connaître le sens avec ton cœur. ومحبتها كذلك il faut aimer cette parole et tout ce que ça englobe. كذلك ومحبت أهلها, tu dois aimer les croyants الموحدون comme toi et tu dois détester ceux qui contredisent cette kalima. ومعادتهم et tu dois les prendre comme ennemis et les ennemis de l'islam. C'est ça le din, c'est ça la religion de tous les prophètes, tous les messagers, c'est ça التوحيد, c'est ça la base de l'islam. C'est sur ce point, ces points plutôt, qu'on doit faire des efforts. Jour après jour. Fi l'ilmi wal amal. Qala rahimahullah. Al-murad. Al-murad est ce qui est voulu par hadhihi al-kalima. Si on dit cette kalima, c'est quoi l'objectif? Pourquoi? Qala al-murad min la ilaha illallah. Qawluha bil lisan ma'atiqadi al-qalb biha. Na'am. Donc, la prononcer avec la langue, bien sûr, avec une croyance du cœur, et sincèrement, etc. Contrairement aux hypocrites. قال والعمل بمقتضاها وموالاتي أهلها ومعاداتي من خالفها. قال وهذا هو الحب في الله والبغض في الله. Et cette مسألة ولله الحمد, on l'a traité il y a quelques mois en étudiant la risala de Cheikh Hamoud rahmatullah alayh, Tuhfatul Ikhwan fi al-muwala wa al-hub wal-bughd wal-hujran, ou un titre hakada, une risala nafi'a jiddan. Kadhalik Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala al-sharih ila, une risala al-wala wal-bara, très très simple, très résumé. Fa ala kulli hal al-inaya bi hadha al-bab, aimer pour Allah, détester pour Allah. Qal hadhihi kulluha min muqtada la ilaha illa Allah. ولهذا قال لا إله إلا الله لها سبع شروط. ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها سبع شروط. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ça ça fait partie de l'iman, بل c'est أوثق عرى الإيمان, c'est une des branches les plus solides, la base de notre din, c'est sur هذا, aimer pour Allah, détester pour Allah. les gens, ils se divisent en deux catégories, حزب الله وحزب الشيطان. En tant que mu'min, si tu prononces ce témoignage, ça va impliquer des choses. Et une mise en application, qabla dhalik, un sens à connaître, une science, une aqida, une croyance. Kadhalik, une application. Kadhalik, un amour. Aimer ceux qui aiment cette kalima, qui la mettent en application. Détester ceux qui la combattent, qui la contredisent. Min al-kuffar wa al-mushrikin. C'est ça la base de notre din. Et vous avez remarqué que al-kuffar, akhzahumullah, et combattre l'islam en combattant ce point, bidat. Ce que l'âme l'aime, si tu le dis dans n'importe quel endroit ou si quelqu'un t'entend, directement tu seras taxé de radicaliste, terroriste et la akhir. لماذا لأنهم شوهوا الإسلام auprès des autres pour par rapport à ce point. خاصة on le répète دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. لكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون. En tant que musulman, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends ton din, apprends cette aqidah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui secourt. كذلك faites attention, ya ikhwan, anna ba'd al-jahla min al-takfiriyin, min al-ghula. Que ce soit al-qa'ida à l'époque, que ce soit Daesh, al-dullal, à notre époque. Annahum, ils donnent de l'importance à ce point, lakin bijahl. Hatta ils dépassent les limites, wa yukaffiruna. إخوانهم المؤمنين ويكفرون الحكام المسلمين تصونوا دل ولا والبراء بعضهم يسكروش soi-disant aux ouvrages du Cheikh al-Islam لكن والله بجهل لأن pour comprendre ce sujet il faut revenir à علماء العصر. Et vous avez remarqué qu'avec ce groupe égaré Daesh il n'y a aucun savant أبدا بل les savants ils mettent en garde contre eux ليلا ونهارا فحذروا. Ne pas comprendre que ce groupe de soufaha طائشون. La plupart c'est des jeunes. Soufaha ou l'ahlam. Hudatha ou l'asnan. Hakada il les a qualifiés le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Khawarij. Ne pensez pas que ce petit groupe ils ont tout compris. Ils ont compris le wala ou al-bara. Et les savants, pour eux c'est des savants du palais du sultan. Ils hadharou de cette fitna. Cette fitna. On a un exemple, et on lit le sharh d'un grand savant de cette époque. Et il est encore vivant. Al-Allam al-Shir Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Ben il a écrit une risala. Fi hada, fi l'wala ou al-bara. Et c'est un des premiers à mettre en garde contre Al-Khawarij. Bel, Al-Allam, Al-Sheikh Salih, Al-Fawzan, Hafidhahullah, inda haoula Al-Khubada Al-Takfiriyi, il fait partie des savants du palais. Même si le ba'd yatamassahoun bi ba'd al-ulama, imma c'est min bab al-khida'a, imma c'est basé sur l'ignorance. Fal-hadhar, al-hadhar, nahnu, da'ima la voie du juste milieu. On ne va pas attendre an al-kuffari. Il nous enseigne notre din, encore moins, mais il y a l'alliance et le désaveu, il combat ça. Et quand même, l'extrême, al-Khawarij, c'est eux qui vont nous enseigner ça. Alhamdulillah, on a une umma, on a des gouverneurs, on a des savants, on a des prêcheurs, des livres. On revient aux savants de la umma. Qala, rahimahullah, wa li hadha qalu. ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها سبعة شروط نظمها بعض العلماء بقوله. Donc, les ulama, ils ont extrait des textes du Coran et de la Sunna des conditions de la ilaha illallah. وعلى الجهال, ils ont rejeté ces conditions, ils ont rejeté تقسيم التوحيد. لماذا لأنهم يقولون ces conditions, ces catégories que vous citez, ils ne sont pas cités dans le Coran et Sunna. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais cité cela. D'où l'importance de revenir aux savants de la Sunna et les savants de la Umma. Al-Ulama, quand ils ont cité ces 7 conditions ou 8 conditions, c'est la même chose pour les 3 catégories du Tawhid, c'est la même chose pour les conditions de la Salat, les piliers de la Salat, et la Akhiré. Tu ne trouveras pas des hadiths, des versets. Le Tawhid se divise en 3 catégories. La ilaha illallah, il faut 8 conditions, 7 conditions. Tu ne trouveras pas ça. Lakin hada sabil istiqra wa tatabbu'. Al-Ulama, en étudiant les textes, pour nous faciliter, ils ont extrait des textes, des conditions, et ils les ont rassemblés, ils les ont appelés shurut la ilaha illallah. Et tu remarqueras, chaque shart y a un dalil, min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Naam. Et l'essentiel, c'est de les mettre en application. Matalan, si wahed, comme on a dit, il ne sait pas que la ilaha illallah, il y a plusieurs, il y a 7 ou 8 conditions. Lakin, il les met en application. Ouais. Il aime la ilaha illallah. Il est sincère, il est véridique, il se soumet, il a agréé. Enfin, alhamdulillah, même si il dit pas la ilaha illallah, il y a 8 conditions, il les cite. Alhamdulillah, c'est un mouhid. Lakin, les ulama, ils ont cité ces conditions pour nous faciliter dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans la mémorisation. Qala bi qawlihi ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wa al-qabul laha. Donc بعض العلماء ils ont cité ces 7 conditions qu'on a étudié détaillé dans الواجبات المتحتمات avec le شرح de العلامة الشيخ النجمي رحمة الله عليه. علم la science, faut connaître le sens. لا معبود بحق إلا الله, personne ne mérite l'adoration sauf Allah. يقين, il faut être sûr. يقين c'est une مرتبة au-dessus du علم. Et la certitude, n'avoir aucun doute. Ikhlas, la sincérité. Dire cette kalima, être sincère et adorer Allah sincèrement. Ama celui qui fait du shirk akbar, il annule tout. Cette shahada et toutes ses œuvres. Qal wa sidquka, as-sidq, être véridique, contrairement aux hypocrites. Ils ont dit cette kalima, là, qu'ils mentaient. Ils n'étaient pas convaincus, ils n'étaient pas sincères et ils n'étaient pas véridiques. Ma'am habbatin, tu dois aimer cette kalima et tout ce que cette kalima implique. Si tu témoignes, annahu la ilaha illallah, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Donc tu reconnais que Allah c'est le créateur. Tu reconnais que c'est lui qui mérite l'adoration seul. Donc tu reconnais que ces adorations, légiférées dans le Coran et la Sunna, ça vient d'Allah. Donc tu dois aimer tout cela. Amma wahad il dit la ilaha illallah, thumma il déteste le hijab. Il déteste les lois d'Allah. Il déteste l'apparence de la Sunna. Il déteste les savants. Il déteste. Hada il est à la khatar azim. Il est khatar azim. Pourquoi? Parce qu'il se contredit. Il prétend aimer cette shahada. Thumma il déteste les lois de Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Et là, chacun a détesté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des versets, ou des adorations. Là, chacun, c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Ou un qiyad, se soumettre. Amma dire ashadu an la ilaha illallah. Thumma, hada al-abd, il adore pas Allah. La tawhid, la salah, ou la shay. Il ne se soumet pas. Bel, il vit, yadam billah, comme les athées. Hatta ba'dhum, le kalima, il la prononce plus. Ou il ne la prononce pas. L'islam, ce n'est pas une origine. L'islam, ce n'est pas un pays. Là, l'islam, c'est une religion. Aqida wa sharia. Celui qui a cette aqida et qui met en application, c'est un musulman. Même s'il vient du pôle Nord. Et celui qui contredit hadhihi al-kalima et il ne la met pas en application et il déteste hadha ad-din, c'est un kafir. Même s'il vient de... On a l'exemple avec Mounafiqoun, ils étaient fil Medine. Enfin, notre din, il n'est pas lié à un endroit, une origine. Abadan, notre din, c'est une croyance et une mise en application. Et bien sûr que, en tant que musulman, après, tu as des endroits où tu peux aller, où tu ne peux pas aller, des gens à fréquenter, etc. Qala zada al-shaykh Sa'd ibn Atiq, min a'immati al-da'wa rahimahullah, al-da'wa al-najdiyya. قال شرطا ثامنا فقال وزيد الثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. On a oublié القبول dans les شروط, le fait d'accepter. Accepter cette kalima et tout ce qu'elle renferme. Accepter les lois d'Allah. Ama celui qui rejette عيدًا بالله, comme on a dit le hijab, il rejette la polygamie, il rejette les hudud, les sentences que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées, il rejette la sunna du prophète alayhi salatu salam. Bardoumi, ils sont arrivés à un point, ils rejettent le siyam, le hajj. Ils disent tout ça, c'est des inventions. Même s'ils prononcent la ilaha illallah, laylan wa naharan, elle lui sera d'aucune utilité. La huitième condition, al-kufr bit-tahout. Avoir la conviction qu'Allah mérite seule adoration et s'écarter et détester al-shirk billah azza wa jalla. قال وركن لا إله إلا الله هما النفي والإثبات فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات بل لا بد من الاثنين. نعم لا بد من النفي والإثبات, لا إله نفي وإلا الله إثبات, وسيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله غفيم متن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. Tous ces hadiths, ils sont cités dans Al-Wajibat, Al-Mutahattimat et dans les Rasail de Shurut La Ilaha Illallah. Donc ces hadiths, ça nous montre bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قيد هذه الكلمة avec des shurut. من قال لا إله إلا الله avec cette condition مخلصا. Dans l'autre hadith, khalisan, la sincérité, l'ikhlas. Dans l'autre hadith, sadiqan, as-sidq. Dans l'autre hadith, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Vous avez remarqué que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le témoignage et des conditions de validité. Qala Cheikh Al-Fawzan, man qala la ilaha illallah mukhlisan, hadha qayd. Lam yaqtasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah. Hadha qayd, ay short, c'est une condition. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man qala la ilaha illallah, il a ajouté des conditions. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont extrait ces conditions et ils les ont citées ensemble Et ça a donné 7 ou 8 conditions. Ces conditions, elles sont citées dans le Coran ou le Sunna. بل قال مخلصا من قلبه لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه لئلا يكون نعم on répète لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه donc c'est pas suffisant de dire لا إله إلا الله il faut dire لا إله إلا الله sincèrement pour Allah سبحانه وتعالى أبو قدر واحد يدي لا إله إلا الله لكن c'est que pour se marier c'est déjà arrivé عيادا بالله. Maintenant, il veut se marier avec une musulmane, un homme, et il sait que sa famille, le pays dans lequel cette musulmane vit, c'est interdit de se marier avec un kafir, un non-musulman. Et il décide de prononcer la ilaha illallah, faire apparaître que c'est un musulman, et il n'est pas sincère. Il dit la ilaha illallah, c'est que pour se marier. Thomas, quand il se marie, il ne met pas en application l'islam, Obama, il ne prononce même plus la ilaha illallah. Est-ce que Hada, c'est un musulman? Quand il dit la ilaha illallah, ça ne doit pas être pour le mariage ou pour vivre dans tel pays. Ça doit être l'illah sincèrement pour Allah. Et si c'est sincèrement pour Allah, ça se verra dans ses œuvres. Qala, rahimahullah, لِأَلَّا يَكُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَكِنْ لَا يَقُولُونَهَا بِقُلُوبِهِمْ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَذَا قَيْدٌ عَظِيمٌ وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَقَدَّمَتْ مَعْنَى الْآيَةِ قال لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحاجات من غير الله هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله أي البراءة من الشرك كما تقدم معنا le verset sur إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا بد من هذا dire لا إله إلا الله sincèrement avec toutes les autres conditions, et qu'à l'aller qu'elle couvre bima yu'bad min dounillah, que ce soit ibadatul qubur ou autre. Et on doit faire du'a fi hadha al-bab. Kam min an-nas annahum yushrikuna billahi azza wa jalla, et à cause de leur ignorance, ils ne savent même pas qu'ils font du shirk. On doit leur montrer da'watu al-anbiya wal-mursaleen, avec des preuves min al-kitab wa min al-sunnah. Qala rahimahullah, ila ghayri dhalik min al-ahadith الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. Et d'autres hadiths qui prouvent que la plupart des gens ils ignorent le sens de ce témoignage. قال الشيخ الفوزان أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان. صحيح. بعض الناس ils pensent que tu dis la ilaha illallah ça suffit. Aucune ibada ba'd, ils connaissent pas le sens. Ils ne s'écartent pas de ceux qui contredisent cette kalima. Mais certains disent « La ilaha illallah » comme ils détestent une partie du Coran ou une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la chèque annahu, c'est très très grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est que c'est la situation de akthar al-nas. Akthar al-nas, ils sont ala hada. Qala, akthar al-nas yajhalun hadhihi shahada yahsabunaha مجرد لفظ يقال باللسان. Il pense que c'est suffisant de la dire avec la langue. وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله وهم علماء في الفقه علماء في النحو علماء في الحديث ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية. تستفيد من هذا un point important أن العام الجاهل من المسلمين قد يغتر بهؤلاء. Ulama, ils ont des connaissances dans le fiqh. Ça peut être un savant dans le fiqh, un savant dans la lecture du Coran, un savant dans le hadith, dans le nahou, dans la grammaire, dans la langue arabe. Lakin, probablement, il fait du shirk billah azza wa jal. Ou il comprend mal la ilaha illallah. Et tu trouves, ba'da al-awam yata'atharoun biha ula. C'est pour ça que nous, on a un rôle à jouer en propageant la da'wa des prophètes et des messagers, alayhim salatu salam. Montrer à ces ignorants, encore plus si c'est nos proches, leur montrer. Pas besoin de se précipiter et est-ce que c'est un kafir, c'est pas un kafir. Montre-lui le haq. Montre-lui le haq. Fais des efforts pour qu'il délaisse hada shay. Alhamdulillah, c'est un muslim clair. Naam, liyanna al-ba'd, il ne déteste pas l'islam. Lakin, c'est à cause de l'ignorance et à cause kadalik de ha'oula al-ulama, ulama su. Deuxième point, ça nous montre kadalik. C'est profitable si ce ilm il est fondé sur tawhid, at-tawhid, et le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Amma wallahi ba'dhum, ils ont beaucoup d'ilm. Vous pouvez même pas vous imaginer. Fi tafsir, fi nahw, fi lugha, dans le mustalah, dans l'usul. C'est du ilm, personne ne peut le nier. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est ilmun nafi', suivi de al-amal as-salih. Tout ça pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tastavid akhi al-karim, si tu veux étudier l'ilm, commence par at-tawhid. Iyak, les choubahs que certains essayent de propager, n'apprends pas tawhid maintenant, apprends la langue arabe, apprends ci, apprends ça, apprends at-tawhid. Khassatan, si tu es un adulte, tu peux mourir à tout moment, les premières questions dans la tombe, ça sera sur at-tawhid. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. C'est ça, tawhid. Notre prophète, il a appelé au tawhid. Notre Rabb, on doit l'adorer bi tawhid. Et notre din al-islam, il est fondé sur tawhid, le premier pilier de l'islam. Sans négliger la langue arabe, sans négliger ulum al-ala, al-nahu, etc. Lakin, da'iman, la base, ça doit être tawhid. Donne du temps. Khassatan, apprendre au tawhid, c'est très très simple. C'est pas compliqué. Et alhamdoulilah, on vit à une époque, c'est facilité. Dans toutes les langues, l'un, tu as des doros fi tawhid. Alhamdulillah. Et après, une fois que tu as compris At-Tawhid, alhamdulillah, apprends la langue arabe. Ou, nous on conseille d'Aïman l'Ukhra, apprends At-Tawhid et la langue arabe. En même temps, Aïna al-Mani'a. Tu apprends la langue arabe, tu as des cours, et en même temps, alhamdulillah, tu un dars par jour, tous les deux jours, tous les trois jours, au moins une fois par semaine, un dars dans At-Tawhid, et tu avanceras. Walillahi alhamdulillah. Mais mettre At-Tawhid de côté et apprendre que la langue arabe, comme min al-Nas, ils ont appris la langue arabe. Ils ont mis At-Tawhid de côté, ils ont eu des connaissances en langue arabe. C'est devenu des soufis, ou des mu'tazili, ou des ash'ari. Cette langue arabe, c'est devenu une fitna. Wallahi, ça serait resté un ammi min al-a'ajim. Quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, ala tawhid, wallahi, il est afdal min ha'oula, wala muqarana. Il n'y a aucune comparaison. قالوا ويقولون لا إله إلا الله يفسرونها لا خالق إلا الله لا يقدر على الاختراع إلا الله هذا تفسيرهم لها. Et Hada, ça viendra, inshallah, dans le cours suivant. Il a cité l'explication des innovateurs de la ilaha illallah. Aïe, il explique par la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur sauf Allah. Qala fahum la yata'addawn tawhid al-rububiyya. Wa yufassirun la ilaha illallah bima la yazid an tawhid al-rububiyya. Wa la yata'arradun li tawhid al-uluhiyya alladhi huwa matloub la ilaha illallah. Na'am. Il se consacre qu'à tawhid al-rububiyya. Alors que Kuffar, Quraysh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu, ils n'ont pas rejeté Tawhid al-Rububiyya, à la base. Et ils délaissent Tawhid al-Uluhiyya, le fait que c'est que Allah qui mérite l'adoration, alors que c'est la da'wa de tous les prophètes. Qala iqra'u aqa'id al-mutakallimin, tajiduna annahum yuzakkuna, ou yurakkizuna ala ithbat wujudillah, ka anna Allah fihi shak, wal i'tiraf bi annahu huwa al-khaliq al-raziq al-muhyi al-mumit. Sahih, tu trouves les livres de Ha'oula Mujalladat, en plusieurs volumes, et Yurakizun, Nahum, il détaille que Tawhid Rububiyya. Comme si on avait des doutes que c'est Allah le créateur. Al-Yahoud, Wal-Nasara, Al-Shaytan, Iblis, Ra'su Shur, la base du mal, Iyadam Billah, Minh, il sait que c'est Allah le créateur. Il n'a jamais prétendu être le créateur. Khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. لكن il n'a pas voulu se prosterner, il n'a pas voulu adorer Allah Azza wa Jal. قال إلى آخره ولا يذكرون العبادة ولا يذكرون الألوهية أبدا هذا لا يزيد على دين المشركين الذي قال الله فيهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Si tu leur demandes toutes ces choses, من الربوبية, qui c'est qui vous donne, Ar-Razzaq, c'est qui possède tout, c'est qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, il a akhir, qui c'est qui gère tout, ils diront Allah. Hada, c'est hal al-mushrikin, ils reconnaissaient hada, lakin ils n'ont pas voulu se soumettre à Allah, l'adorer seul, ils n'ont pas voulu suivre al-Nabi alayhi salatu wassalam, et délaisser leurs idoles. Qala yuthbituna ar-rabb lakin ya'buduna ghayrahu wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Même les idoles qu'ils ont créées, ha'ula al-mushrikun, c'était pas parce qu'ils détestaient Allah, là c'est pour من باب الشفاعة pour que leurs idoles les rapprochent d'Allah. مع هذا الله سبحانه وتعالى si on continue le verset à la fin قال سبحانه وتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى il a montré que leur fi'l c'était du shirk. Ils adoraient autre qu'Allah pour que cet autre, cet intermédiaire les rapproche d'Allah. Et مع هذا Allah les a appelés mushrikoun. Et ils ont reconnu que le créateur des cieux et la terre, ce n'était pas leurs idoles, c'était Allah. Mais Hada, c'est des mushrikoun. Ça nous montre quoi, Hada? Ça nous montre que le tawhid, le sahih, que les prophètes et les messagers, alayhim salatu salam, ils ont propagé, c'est Hada le tawhid. C'est Hada le tawhid. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Qala, ma yakulun innahum yakhluqun wa yarzuqun, walakin yakulun innahum shufa'a wusata lana inda Allah, fal amr khatir jiddan. فهناك لبس كثير في هذا الأمر. Même à notre époque. Même à notre époque. بعض الناس الآن يزادوا دي مور. Si tu lui dis, يا فلان اتق الله. هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى قال, وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فالآن tu fais du shirk. Tu adores autre الله en demandant, en espérant, en sacrifiant pour lui. Comme ils font بعض الناس dans, en se rendant dans des mausolées. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire là. Il a dit, je sais qu'Allah c'est le créateur. Il dit, je demande au wali parce que le wali, il est aimé indallah. Min bab shafa'a, c'est un intermédiaire. Exactement comme hal al mushrikin. Si on connaît da'wat al tawhid, on pourra répondre à haoula. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à haoula al mushrikin. Bil hujjati wal bayan. Qala rahimahullah. Qala fahunak labsun kathir fi hadha al amr. Wa dhalla kathirun min al nas bi hadha al labs. الذي يخلص التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله يقولون هذا يكفر المسلمين تلمك أعداء الله من يهود ونصارى يغاجوت الصوفية والرافضة يغاجوت عن أطريبك الإخوان المسلمين الضلال إذن سالي دعوة السلف دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه et les savants qui propagent le tawhid jusqu'à notre époque si tu mets en garde contre هذه الشركيات qui sont propagées le fait d'adorer les tombes, de sacrifier pour les morts, directement ils vont dire هذا wahhabi. Ils vont dire هذا يكفر المسلمين. Il a akhri. Même les kuffar, l'an, ils combattent الدعوة السلفية, دعوة التوحيد, avec les mêmes armes que هؤلاء. C'est du radicalisme, c'est des extrémistes. Même la majorité de la communauté musulmane, ils les acceptent pas. Il a akhri. هكذا يقولون. هذا ça fait aucun mal في الحقيقة. Pour celui qui s'accroche au haq, qui connaît son tin, ça fait aucun mal. النبي صلى الله عليه وسلم il a été accusé de مجنون ساحر خير الخلق إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام il a été accusé, il a été chassé de Mecca, il a fait l'hijra. نصره الله سبحانه وتعالى. Pourquoi? Parce qu'il a fait le haq. هكذا نحن si on a la vérité والله هؤلاء ils se font que du mal. كيدهم ضعيف ومكرهم هزيل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Donc si nous on s'accroche à notre dîn, on place notre confiance en Allah, on met en application ce tawhid, et walillahi alhamd, on veut le bien pour les autres. On veut le bien pour les autres. Même ceux qui font du shirk, khasatan mina al-awam al-juhal, on veut leur bien. On veut leur bien, c'est pour ça qu'on ne se précipite pas à dire c'est des kuffar ila akhirillah. On veut leur bien, on leur montre. Certains ils sont ignorants, masakin. On essaye de leur clarifier les choses. Celui qui accepte, alhamdulillah. Celui qui accepte pas, chacun rendra des comptes yawm al-qiyama et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Qala nahnu nabra ila Allah min alladhi yukaffiru al-muslimin. Nahnu ma nukaffiru illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu. Falladhi la yuhaqqiq la ilaha illa Allah qad kaffarahu Allah wa rasuluhu. Hadha al-ulama la yukaffiru al-muslimin. Kaffar suk Allah subhanahu wa ta'ala. Il a kuffar. Et hakada son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, vu qu'on n'est pas des savants, on ne kuffar pas les musulmans. On ne kuffar pas les gens. Même s'ils font un hukm, on revient aux savants de l'islam. Qala rahimahullah fa'alam anna hadhi l'kalima nafyun wa ithbat. Qala Cheikh al-Fawzan, hadhi l'kalima laha ruknan. Huma nafyun wa ithbat. Fala yakfi l'nafi wa la yakfi l'ithbat, bal labud min al-ithnain muqtarinain. كما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ما قال يكفر بالطاغوت فقط بل قال يؤمن بالله ولا قال يؤمن بالله ولم يذكر الكفر بالطاغوت لابد من الاثنين نعم ان شاء الله reprendra انا تعبت قليلا on reprendra à partir du 9e point احسن ne pas se précipiter le prochain cours on reprendra à partir de النفي والإثبات، les deux piliers de cette كلمة qui sont très très importants. فالحمد لله dans ce درس استفدنا أن هذه الكلمة ce n'est pas une simple prononciation. بل هذه الكلمة لها معنى عظيم. Ce témoignage il a un sens. Et les ulama ils ont cité des conditions se basant sur le Coran ou la Sunna. La sincérité, aimer cette kalima, accepter, se soumettre. Et là, après, on a lu les shurud bi-khtisar. Alhamdulillah, awwalan wa akhiran wa naktafi bi-hada wa alhamdulillah.